Dieu te protège de toute maladie et te donne de longues années qui me permettent d'être à tes côtés quand tu auras le plus besoin de moi. Il y a des cruautés dans la vie que nous ne faisons que subir. Et si un jour je dois continuer sans ta voix, sans ta vue, sans ton approbation, mes larmes rendront hommage à ma principale spectatrice, car c'était moi qui te cherchais à la sortie de tous les théâtres depuis ce pas que tu as fait sur une scène à Paris-Chara, inaugurant le monde dans le sable sinueux du destin. Et parmi tant d'autres pas, ardent mortel, toi toujours là, et moi, au rythme de tes regards, solides, vibrants, qui jamais ne faiblissent, moi aussi, trompé dans ma compréhension de l'histoire. Zoraida, princesse arabe, mariée à Flavio, général romain. Dans cette maladie, il y a une désillusion, la certitude de ta fragilité. Cet amour qui fait ma vie, loin de tes années, que deviendra-t-il? Dieu te protège de toute maladie et te donne de longues années qu'il me permette d'être à tes côtés quand tu auras le plus besoin de moi. Il y a des cruautés dans la vie que nous ne faisons que subir. Et si un jour je dois continuer sans ta voix, sans ta vue, sans ton approbation, mes larmes rendront hommage à ma principale spectatrice, car c'était moi qui te cherchais à la sortie de tous les théâtres depuis ce pas que tu as fait sur une scène à Paris-Chara, inaugurant le monde dans le sable sinueux du destin. Et parmi tant d'autres, toi toujours là, et moi, au rythme de tes regards solides, vibrants, qui jamais ne faiblissent, moi aussi trompé dans ma compréhension de l'histoire. Zoraida, princesse arabe, mariée à Flavio, général romain. Dans cette maladie, il y a une désillusion, ma certitude de ta fragilité, cet amour qui fait ma vie, loin de tes années. Que deviendra-t-il ?